Soldier. Mon cœur souffle sur ce beat que j'effleure, de raconter mes peurs pour éviter les pleurs. Encore un sale quart d'heure, alors je m'écarte cette NG. Corche ma feuille avec ce stylo qui saigne. Je m'efforce de sourire, mais aurais-je toujours la force? Car ma vie c'est la Corse, faut bomber le torse face aux épreuves corsées. Je suis qu'une écorce sur l'arbre de la vie, mais je crois je dois parler le morse. Personne me comprend, seul dès le berceau. Alors je rappe et je rappe, lâcherai pas le morceau. L'écriture, l'artère de ma vie qui agite mes nerfs, mais j'ai le sang froid, trop de choses m'énervent. Les femmes j'y respecte, mais elles se respectent plus. Ça veut juste être bonne et belle, mais c'est la superficielle. L'essentiel c'est d'avoir les qualités qui nous émerveillent. Ouais, c'est pas demain la veille, ma vieille, n'essaye pas tous ces vices qui s'éveillent en toi. Fruit d'une adolescence de rebelle, quoi dire quand à 13 ans c'est pucelle. Moi je pense, donc je suis, mais au fait, suis-ce que je pense ici? Réponds, je sais pas, donc la vie nous forge des coups de pute, des coups durs et des coupes-gorge. L'amour, une utopie qui anime nos espoirs. Y croire c'est une chose et le vivre une autre histoire. Elles ont toutes une fin qui t'arrive en pleine poire. À raconte ça te va croire que ma vie est noire. Non, juste un manoir éclairé, beaucoup de gris. Moi le goût de la vie tu m'écris, j'apparais écrit dans mes écrits. Alors je vais te répondre par ce qu'on m'a toujours dit. C'est la vie. Ouais, comme tout le monde, j'ai subi des galères. Désolé pour ceux que j'ai embarqué dans ma galère. Des merdes, au moins j'ai qu'il faut que je me démerde seul. Mais je dois dire de moi mes amis chers. Sachez que sans vous je serais peut-être loin de là, dans un au-delà. Mais vous avez été là, je sais, je montre pas mes sentiments comme masse. Mais dans mon cœur, vous avez tous une place. Dédicace à ma sœur, sortie notre impasse. Aujourd'hui j'adore les purs moments qu'on repasse. Le ça c'était long, mais quoi qu'on fasse, une cessera d'être dans mon cœur. Sors de cœur, que serais-je sans toi? Crie un ange, t'oublie pas, fais partie de ces gars sur qui on peut compter. Moi aussi je serai là quand ça n'ira pas. On a tous besoin d'un frère, d'amitié, de fer et de qui on est fier. Hier j'ai regardé mon passé dans le rétro. Ouais, je me dis tout était mieux, c'est en gros. Depuis ça j'ai pris le micro, j'y suis accro. Bosser mes rimes pour qu'elles choquent comme un marteau. Même si la mama c'est à peine que je peux je t'aime. Voilà, au cas où tu tomberais sur ça, sur ce, je reste cœur souvent incompris. Car la vie m'a appris le mal, donc j'écris. Sors de thérapie, de combat que je mène. Ouais, avec ce stylo prêt pour un débat de mes mots. Ces pages sont toute ma vie comme un mémo. Et même mot plus bas, je trouve toujours mes mots. Car y'a ces jours, le moral est plus vieux. Le temps s'écoule et on se fait plus vieux. Mon vœu serait de voir du bonheur dans chacun de nos yeux. Mais ce que je veux, il est réel après aveu. Trop rêvé d'idées à revendre comme un idéaliste. Car fille d'une vendeuse est un syndicaliste. Je pensais pas tant que j'allais exprimer autant. Mais avec le temps, tout va s'éteindre. Pas tant, entends-tu la tristesse dans ma voix? Comme si le suicide guettait, va savoir. Donc depuis j'ai fait l'autonomie, mon meilleur ami. Puis j'ai appris à sortir seul de la zermie. Pas de raison d'existence, ton pôle c'est le silence. Il mène la cadence d'une vie sans confiance. Ça compense certaines absences et présences. Car quand t'y penses, la vie n'a pas de sens. Comme si c'était qu'un enfer avant le paradis. Qu'il faudrait s'y faire et puis on serait tous ravis. Ou alors Dieu écrit nos vies comme des récits. Si c'est le cas, je désire avoir mon livre. Merci. Dans ces lyrics, pas de pessimisme et du réalisme. Car les drames atteignent leur paroxysme. Le bien et le mal régissent toutes mes journées. Le matin, je me lève toujours des deux pieds. Puis tu vois, j'ai beaucoup de potes, mais peu d'amis. Les vrais, comme on dit, sont ceux avec qui j'ai grandi. Casse des dits à flot, toi-même, tu sais nos délires. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais te le dire. J'en place son père, par personne de mon cœur. Car ça sonne perpétuellement pour eux à toute heure. Malgré que je sois perdu, comme dans un cimetière. Entouré, mais si solitaire. Ouais, je suis pas un messie, mais qu'un humain. J'ai pas le talent de messie, même si je me démerde bien. Car je suis en forme, donc mes textes sont du fond. Alors que quand je suis au fond, ma vie n'a plus de forme. Car les expériences m'ont fait réfléchir, comme refroidir le pire étant. J'ai encore quoi dire. Le problème, c'est plutôt que je sais pas ce que je veux. Donc du coup, j'ai rien et je m'en veux. Ouais, la vie c'est désirer ce que t'as pas voulu admirer, puis surtout regretter ce que t'as plu. Homme naturellement insatisfait, imparfait, aimerait être galant, mais la femme souhaite l'égalité. Cœur à la fois bien expirant des malheurs, ce titre est universel dans chacun de vos cœurs. On connaît tous cette solitude que je t'épilogue, mais à moi seul je monopoliserai une psychologue. Au fait, l'argent fait pas le bonheur mais les blèmes, alors oublie et mets ta vie près de ceux que tu aimes. Prie pour de meilleurs jours et cultive ton esprit. Comprends-tu désormais que mon cœur soit incompris, compris.